Un podcast studio dilettante. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu. Pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce 81e numéro de Ludologie. On se retrouve aujourd'hui avec, j'ai envie de dire, l'équipe des vieux, avec Adrien. Bonsoir Adrien. Salut Manuel. Effectivement, on n'est plus tout jeune, on a plus 20 ans, ça y est. Voilà, c'est du Ludologie Canal Historique aujourd'hui pour ce 81e numéro. Alors avant de m'avancer un peu plus sur les détails de ce dont on va parler et qui est notre invité, je tiens d'abord à remercier les personnes qui nous sponsorisent sur Tipeee au travers du Tipeee de Studio Dilettante. Si vous voulez vous-même aller sur tipeee.com/studiodilettante, et ben vous serez les bienvenus pour nous donner un peu de sous. Ça nous sert à payer le matériel, l'hébergement, des sons, tout ça. Donc ça, c'est très pratique. On vous en sera très reconnaissant. Et puis, on parlera de vous régulièrement parce que vous êtes des gens merveilleux. Et c'est pour ça que vous allez nous aider. En attendant, on va parler d'un invité qui lui aussi est un genre merveilleux. Puisque aujourd'hui, on parle enfin d'un sujet qu'on voulait évoquer depuis longtemps avec Adrien dans Ludologie. Alors, on a déjà un peu tourné autour dans certains numéros. N'empêche que, aujourd'hui, on parle de musique. Ça nous tenait à cœur depuis longtemps. On s'y était pas arrêté sur qu'est-ce qu'on fait dans les jeux. Alors, ce sera peut-être beaucoup jeux vidéo, mais de façon générale, qu'est-ce qu'on fait dans les jeux avec la musique? C'est un élément qui peut être un élément de gameplay, c'est un élément qui peut être un élément de décor, c'est un élément qui peut être au centre complètement du jeu. En tout cas, c'est une dimension très présente dans les jeux et qui est souvent peu réfléchie du point de vue des joueurs et des joueuses, en tout cas. On va essayer de vous aider à y réfléchir un peu plus aujourd'hui. Et pour ça, on a un spécialiste, quelqu'un qui en parle régulièrement de musique, notamment sur Nesblog avec la série Synapserie et jeux vidéo. Si vous êtes déjà familier de Nesblog, vous savez probablement de qui je parle. Sinon, je vous le dis, c'est Yacine Synapsa. Yacine est musicien. Il a de nombreux projets, on va y revenir, notamment des conférences autour de la musique dans les jeux vidéo. En plus, il travaille avec des dispositifs qui, pour le coup, eux-mêmes sont ludifiés et qui tiennent autant du livre dont vous êtes le héros que du point and click presque. Et on est très heureux de le recevoir ce soir. Bonsoir Yacine. Salut. Je suis très content aussi. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous dire, parce que moi j'ai fait un très léger survol de ta présentation, mais pour rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui fait qu'aujourd'hui on t'invite à Ludologie ? Ok. Eh ben, écoute, je suis un nomade culturel. Qu'est-ce que c'est un nomade culturel ? Alors, à la base, moi je suis issu des scènes de musique expérimentale, mais aussi de musique classique, black metal, hip-hop, art brut. J'ai plus une démarche en tant que musicien, une démarche qui pourrait se rapprocher d'Antoine de Maximis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'émission « J'irai dormir chez vous », ou Joseph Beuys dans un truc plus art contemporain, voire Laurent Baffy dans ses spectacles. Donc j'ai plus une approche comme ça, un petit peu à l'approche de la rencontre humaine et de bousculer des codes, que celle d'un artiste musicien proprement dit, même si j'ai tout plein de référents. Après, pour la musique et le jeu vidéo, cette aventure autour de ce que je présente dans la musique et le jeu vidéo, c'est parti de la Mega Drive et des sound tests qu'on pouvait faire dans les Sega Mega Drive, donc c'est pas d'hier. Et le but, c'était de pouvoir faire un détournement grâce à une prise audio et de pouvoir s'aventurer à travers les tests sonores et d'écouter les bandes-sons de jeux vidéo comme on pourrait le faire pour les albums de musique. La suite de cette aventure, ça s'est fait avec un premier album maquette qui m'a permis de me sortir de la merde et qui m'a évité la prison. Voilà, là, c'est les instants où on sort les violons, qui s'appelait Insertion sociale. Et cette maquette, elle a été faite à moitié réalisée avec des SFX, donc des effets spéciaux, des soundtracks et des inspirations de jeux vidéo, donc qui pouvaient aller de Kirby, McDonald's Land jusqu'à Phantasy Star Online. Et aujourd'hui, je continue cette aventure-là à travers des conférences, des cours que je donne en musicologie, et puis des petites choses qui peuvent circuler sur Nesblog, donc via SoundCloud, jeux vidéo et synapserie, donc des émissions d'analyse musicale et théâtrale à travers le jeu vidéo. Et puis un road trip japonais un peu artisanal aussi, qui s'appelle Video Game Music Adventures. Donc là, c'est une aventure autour des compositeurs rencontrés au Japon. Alors aussi, à savoir que je ne joue quasiment plus du tout aux jeux vidéo. D'accord, mais forcément, une telle phrase comme ça pose la question tout de suite. Pourquoi tu ne joues plus ? J'aurais une autre question derrière, mais après... Alors, déjà, faute de temps, parce que avec les activités de musicien, la scène, le studio, pas mal de démarchages et de déplacements, j'ai plus du tout le temps pour jouer. J'ai plus du tout la patience aussi. Je me rends compte que j'arrive pas du tout à me caler des soirées ou des journées à faire des jeux qui sont beaucoup plus chronophages. Et puis un truc très con, c'est que j'ai complètement loupé le virage de la 3D vu que je suis atteint de ce qu'on pourrait appeler motion sickness. Donc je peux pas jouer aux jeux 3D. C'est une sorte de nausée qu'on peut avoir suite au mouvement. Ouais. C'est notamment une des raisons pour lesquelles souvent dans les FPS il y a un petit point au milieu du viseur, au milieu de l'écran, pour justement éviter et atténuer cet effet. La question que je voulais poser, c'est assez simple et en même temps très compliqué, et ça va être à l'ancien joueur et à l'actuel musicien que je la pose. C'est quelle est la différence fondamentale entre une musique, comment dire, j'allais dire classique, mais une musique qu'on peut écouter en concert ou sur un album de musique et une musique de jeux vidéo ou peut-être même, je pense, de film, etc. Ouais, tout simplement, y a un angle tout bête. Ça n'empêche pas ça empêche pas le côté j'aime pas, c'est beau, c'est moche, etc. Hein. Comme le dit mon ami Sikou Simouche, tant que c'est des notes et des rythmes, c'est le but, c'est de pouvoir toucher la personne. Mais comment dirais-je ? Dans l'histoire de la musique de jeux vidéo, faut pas oublier que c'est de la musique à l'image. Donc on parle bien de jeux vidéo et non de jeux musicaux. À partir de ce moment-là, on est aussi sur de la musique de commande. Donc, on est obligé de répondre à des règles assez strictes et assez contraignantes. C'est-à-dire qu'un musicien qui joue sur scène, son morceau, tu l'aimes pas. Mais il va y avoir une proposition beaucoup plus cash. La musique de jeux vidéo, elle est régie par vachement de contraintes à la fois techniques et à la fois artistiques, je trouve. Alors, dans les contraintes techniques, c'est probablement un peu moins le cas aujourd'hui, mais à une époque, il y a eu un élément qui était assez fort, c'était la mémoire disponible, le volume de données disponible pour produire cette musique. C'est ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui encore la musique 8 bits. Est-ce que tu peux alors expliquer brièvement ce que c'est la musique 8 bits pour nos auditeurs et puis nous expliquer un peu comment ça s'est constitué, comment ça a émergé et ses spécificités? Allez, on pourrait se faire un petit check-up au niveau 73-74 avec les premiers computers, des sons qui se rapprochent un petit peu de la connexion, la vieille connexion Internet qu'on avait fin des années 90, donc que des bruits blancs, donc des pling, tu vois, des trucs comme ça. On n'était pas sur des choses très musicales. Et après, l'histoire de la... Tout ça a un peu avancé autour de l'angle des années... l'année 80, avec des titres comme Pac-Man, plein d'autres titres qui vont émerger des salles d'arcade. Mais le but, c'était à la fois de pouvoir rentrer dans des angles de musique attractive. Donc là, je parle de l'esthétique, tout ce qui est un peu musique parc d'attraction, musique de parade, musique un peu électronique aussi qui se faisait à l'époque, mais aussi, comme tu le soulignes, avec très très peu de mémoire. Et puis au niveau de l'esthétique, on est sur des ondes sinusoïdales, c'est-à-dire des ondes électroniques. Donc, ce qui va donner un petit peu ce son très typé des jeux vidéo. Et ça va un peu coller jusqu'à tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui avec la chiptune, avec pas mal de sons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de musique de jeux vidéo, le premier instinct qu'on va avoir, c'est pas forcément une musique d'orchestre ou un guitariste ou quelqu'un qui joue de la harpe. Ça va être ces sons très, très typés, 8 bits, qui peuvent être assez rigolos pour certains, assez acides pour d'autres. Mais comme tu le soulignes, donc le problème de la mémoire, tout est un jeu d'industrie de pouvoir se battre entre concurrents, entre machines, entre développeurs pour avancer de plus en plus rapidement dans des avancées technologiques. Donc, développer la mémoire, développer le temps, développer la musique. Parce que au tout début des années 80, les musiques, c'est 3-4 notes qui ressemblent à des jingles et très très peu de place sonore. Et en plus de ça, complètement bousculé par les bruitages. Et en plus de ça, dans les salles d'arcade, complètement bousculé dans l'environnement sonore de 36 machines qui tournent entre elles, du public, etc. quoi. Et en même temps, paradoxalement, quand on pense jeux vidéo, on a la musique de Mario ou la musique de Tetris qui nous viennent facilement en tête, qui sont des exemples parfaits de musique 8 bits. Oui, alors, mais ça vient pas de nulle part. Hein. C'est avant qu'on arrive à choper ces musiques-là, pour que les compositeurs puissent prendre pondre la musique type Mario, y a plein de tentatives. Et il y a plein de tentatives aussi chez Nintendo. Quand Koji Kondo, donc le compositeur de Mario, arrive à faire le thème de Mario Bros, il a écrit au moins une trentaine de versions afin d'arriver à ça. Donc il y a à la fois l'aspect technologique, c'est-à-dire essayer d'adapter avec son support, ici le cas avec la Nintendo 8-bit, mais aussi d'arriver à trouver un truc cool pour que l'auditeur et le joueur évitent de se lasser ou de péter un plomb, quoi. Ce qui m'amène à une question, c'est qu'on sait que dans la musique classique, le jazz ou même la pop musique, il y a une écriture particulière, une forme avec un refrain, un couplet, un chorus, un solo, etc. Est-ce qu'il y a des particularités dans la musique de jeux vidéo ou de jeux tout court, hein, d'ailleurs une particularité d'écriture, justement. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui pose pas mal de problèmes à d'autres compositeurs qui composent soit du rock, du hip-hop, ou de la musique classique, ou contemporaine, etc. C'est que, finalement, toutes ces petites contraintes liées aux jeux vidéo, c'est-à-dire le temps, essayer d'être efficace en très très peu de temps, les contraintes techniques, les contraintes de son, les contraintes aussi de narration, parce qu'aussi c'est, faudrait pas oublier que c'est pas juste du papier peint sonore, c'est que ça va accompagner quelque chose. Finalement, ça a donné des formes. Alors moi, c'est ce que j'explique en cours avec des termes un peu personnels et farfelus, mais que je prends vraiment au sérieux. Le premier terme, c'est ce que j'appellerais le haïku sonore. Le haïku, vous voyez ce que c'est ou pas du tout? Ça peut valoir le coup de le rappeler. Ouais. Alors, le haïku, c'est un poème japonais extrêmement court, seulement 3 vers, quelques phrases comme ça pour évoquer un décor, une vanne ou encore évoquer un personnage. Donc, le poème japonais, le haïku, en tout cas cette forme-là, le haïku, contrairement à du poème arabe ou du poème de Balzac ou Victor Hugo, c'est extrêmement court et ça peut dire autant de choses. Donc le but, c'est de laisser libre l'imagination, un peu comme le hors-champ au cinéma, que le cerveau et le joueur travaillent le reste. Donc très très peu d'éléments pour dire beaucoup de choses. Moi, je suis toujours étonné de la musique de Zelda. On a un peu le thème en tête. Cette musique, c'est pas du tout la forme symphonique et pourtant ça fait appel à de la symphonie. Et d'autre part, en plus du haïku, il y a un autre terme que j'appellerais le puzzle sonore, qui est pas mal lié avec des musiques d'arcade, des musiques aussi bien de l'ère 8 bits, 16 bits, et qui donne encore quelques traces dans certains jeux qu'on retrouve aujourd'hui. Je m'explique, le puzzle, vous prenez un premier bout de pièce, un deuxième bout, un troisième bout, etc. Ces bouts n'ont pas forcément des choses à voir, et pourtant, collées les unes aux autres, ça donne un discours, comme une espèce de patchwork. Imaginons, j'ai un début qui sonne un petit peu symphonique, la suite qui sonne rock, un solo avec un morceau de synthé un peu oriental. Tout ça va un petit peu se mélanger. Et autour d'une seule minute, on va pouvoir dire pas mal de choses. Je ne sais pas si je suis bien clair avec toutes ces... C'est assez clair. Il y a une autre spécificité qui me semble prévalente dans la musique qui sert pour les jeux, c'est la gestion de la temporalité, parce que pour le coup, contrairement à de la musique qui peut être présente dans du cinéma ou de la musique qui peut être présente pour elle-même, là, il y a quand même l'enjeu d'accompagner un événement dont on ne maîtrise pas la durée, à savoir le temps que va passer un joueur dans un niveau, à un endroit. Je pense à des jeux, par exemple, d'exploration où la musique change en fonction du lieu où on se trouve. On ne peut pas savoir combien de temps le joueur va y rester. Du coup, comment va se gérer la boucle pour qu'elle puisse rester discrète et qu'on reste dans la même ambiance sans avoir l'impression de finir. Typiquement, en jeu de rôle sur table, c'est une des difficultés que peuvent avoir les gens quand ils utilisent des musiques d'ambiance, c'est qu'à un moment, le morceau se finit et que soit on remet 15 fois le même morceau, mais si c'est la musique d'ambiance d'une scène qui dure trop longtemps, bah, ça finit par taper sur le système de tout le monde. Soit il faut trouver une playlist qui va pouvoir s'étirer, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Comment ça se gère en jeu vidéo, ces questions-là? J'imagine que dès la composition, ça se pense. Alors oui, mais en même temps, comme l'ont dit pas mal de compositeurs et compositrices de jeux vidéo, c'est faut pas hésiter à mettre énormément de ses propres idées à la poubelle. Donc faire de la musique de commande, faire de la musique à l'image, c'est accepter que son travail va être sans arrêt refait. On peut avoir des idées entre guillemets de génie, et puis que la direction audio vous dise derrière, bah ouais, mais là ça le fait pas, ou alors ça ne rentre pas, c'est pas adapté, ou alors on cherche une autre idée. Et il va y avoir encore autre chose, parce que là ce que tu soulignes, toi, c'est carrément la musique adaptative, c'est-à-dire la musique qu'on retrouve beaucoup plus actuellement, style Red Dead Redemption ou d'autres jeux comme ça, où selon l'action du joueur, la musique va s'adapter. Ça permet d'accompagner au mieux le joueur et son action, et puis aussi d'éviter de lasser son oreille, de l'agacer. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des jeux d'arcade à l'ancienne, où là, bah, les niveaux sont très courts, il faut que ça soit tout de suite dynamique et que ça appelle à des... Bah, que ça invite à des univers, mais d'une manière très très courte, quoi. Là, on a parlé effectivement de l'ambiance. On va peut-être pouvoir jouer sur des tonalités ou des sonorités plus ou moins exotiques ou teintées de mélancolie, de joie ou autre. Il y a aussi un autre aspect qui me paraît important, c'est le rythme. Comment on gère des changements de rythme parfois très brutals, enfin, je veux dire, par exemple, j'ai ce souvenir dans Metal Gear, où paf, on se fait repérer, la musique s'emballe et il faut courir, quoi. Alors, est-ce que la musique t'invite à courir en tant que joueur, ou est-ce que c'est comme un signal d'alarme, ou est-ce que la musique s'emballe au fur et à mesure que s'emballe le joueur? J'ai envie de te répondre, c'est moi qui pose les questions, c'est toi qui réponds. Bah oui, parce qu'en fait, il y a plein d'archétypes dans le jeu vidéo. Et puis, comme la musique, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup d'exceptions au code. Donc, en fait, je prends l'exemple d'un shoot 'em up, je reviendrai à Metal Gear. Dans un shoot 'em up, tout de suite, on a des choses qui font appel, d'une manière esthétique, à des trucs souvent rock shonen, manga, etc., ou des trucs un peu plus électro pour le public, quoi, pour les jeux développés en Occident. Mais tu as aussi quelque chose qui est l'emergency, c'est-à-dire, dès que l'avion bouge pas comme il faut, dès les 30 premières secondes, tu crèves. Donc, tout de suite, la musique, il faut qu'elle souligne ce côté dynamique. Mais, à contrario, tu as quelques jeux comme Darius, qui prend le pas opposé, c'est-à-dire de faire de la musique presque méditative sur ces fonds sonores-là, quoi. Sur ces fonds de comment dirais-je, de shooter extrêmement dynamique, frénétique, Là, le parti pris, c'est de jouer sur les opposés. Après, des jeux comme Metal Gear, c'est des jeux qui sont assez complets. Il y a des phases de combat, il y a des phases de dialogue, il y a des phases un peu mélancoliques, il y a des phases... c'est extrêmement riche, donc la musique, elle va accompagner tout plein de trucs, un petit peu comme le ferait un RPG, c'est-à-dire de pouvoir jouer comme dans un opéra, selon les actions, selon les dynamiques, sur des traits de caractère musique extrêmement différents. Après, dès qu'un joueur doit courir dans une scène, souvent la musique elle est là pour accompagner ce dynamisme-là, quoi. Donc en tout cas dans le cas de Metal Gear Solid, on reprend les codes du cinéma et on sait que comme un Indiana Jones doit courir sinon il va se faire écraser par une boule géante, on sait que la musique va s'emballer. Et donne aussi un indice sonore au joueur, c'est-à-dire mains-toi le cul. Oui, pour le coup, effectivement, dans le jeu qu'on a cité, il y a une vraie césure rythmique avec cette espèce de cri d'alarme, qui est le point d'exclamation au-dessus de la tête des ennemis, qui crée un peu cette urgence, enfin qui rompt un certain rythme et qui après justement pousse à l'accélération. Mais dans des jeux comme tu as cité Red Dead, on pourrait citer un certain nombre d'open world, on a l'impression que la transition est beaucoup moins brutale. Et je me suis dit, pour un musicien ou une musicienne, ça doit être un sacré challenge, ouais, de passer, je sais pas, d'un rythme en 4-4, j'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire, en 1-3-4, un 7-4 ou que sais-je. D'accord. Allez, on fait un petit rappel tout con. Le 3-4, c'est juste de compter en boucle 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Si je te veux 7-4, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 1, etc. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir, comme encore une fois, une espèce de puzzle qui, avec 7 cases qui tournent en boucle, ou 4 cases ou 3 cases. Donc, après, pour le but des compositeurs, ça va être de pouvoir adoucir ces boucles pour pas que ça soit choquant. Contrairement à certains styles d'arcade à l'ancienne de Konami ou de Treasure, où là, le parti pris était presque le contraire, et de pouvoir presque brutaliser l'oreille par moment, mais avec une intention artistique derrière. Les mecs et les nanas ne faisaient pas n'importe quoi. Après, il y a aussi des ratés, des fausses bonnes idées, des nanars du jeu vidéo, comme la bande son d'un jeu vidéo. Hein. Le but de pouvoir travailler de la musique interactive avec les boucles, justement, c'est de. Moi, j'ai eu pas mal de conseils de compositeurs d'aujourd'hui qui font beaucoup plus de musique interactive, comme Olivier de Rivière, comme Fly By No, comme Morusque, etc. Le but, c'est de pouvoir travailler des thèmes assez simples. Avec des tonalités qui vont pas trop s'éloigner, c'est-à-dire que par exemple on va rester sur un do majeur, on va pas trop s'éloigner avec des tons avec des dièses dans tous les sens, pour que les boucles puissent être assez agréables à entendre. Et puis justement, c'est tout un enjeu, c'est de ces fins de petites phrases, c'est à la fois qu'elles puissent boucler sur elles-mêmes, mais aussi selon l'action du joueur ou la narration, qu'elles puissent boucler sur une autre branche musicale qui va être pas trop éloignée de ceci. Mais là, à l'audio, c'est hyper compliqué d'expliquer tout ça. Il faudrait vraiment le voir comme un tronc. Imaginons, votre tronc, c'est votre thème musical principal, et après toutes les branches, c'est toutes les possibilités qu'a programmé le compositeur en amont. Donc vous imaginez les heures de boulot, c'est juste dantesque, mais pour que le joueur ne s'aperçoive de rien, quoi. C'est-à-dire qu'il a en quelque sorte une, je vais reprendre l'image du tronc, il a une arborescence musicale. Exactement. Il y a des arborescences narratives, en fait. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est, il y a aujourd'hui, il y a des, tout dépend aussi du jeu et du, comment dire, du système de plateforme technique sonore qui accompagne le jeu. Hein. Il y a plein de jeux mobiles où il y a juste, on revient un peu comme aux années 80-90, quelques jingles, quelques fonds sonores et basta. Hein. Alors justement, les jingles, Adrien parlait tout à l'heure du tudilite, des adversaires qui ont un petit point d'exclamation dessus de la tête. Toi, tu as évoqué en tout début d'émission tes recherches initiales sur les soundchecks de la Mega Drive dans la musique, ou en tout cas dans la sonorité dans un jeu. Il y a la musique en termes d'harmonie, enfin, la bande son. Il y a aussi les bruitages qui construisent une musicalité du jeu. Je pense qu'il serait difficile de parler typiquement d'un Street Fighter, d'un Street Fighter 2 sans, ou plus, hein, mais moi je suis vieux, sans évoquer justement les bruitages. Les cris, vraiment toute cette, tous ces éléments qui, j'imagine, doivent être pris en compte aussi par le compositeur. Exactement, oui. Alors, encore une fois, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit le compositeur qui, ou la compositrice qui s'amuse à faire les deux, c'est-à-dire à faire à la fois les bruitages et la musique, soit il y a un département bruitage, un département musique. J'ai vu un autre cas aussi où il y a un compositeur, un encodeur, c'est-à-dire un programmateur sonore qui va tout encoder pour que ça puisse rentrer sur la machine, c'est-à-dire Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, voire au-delà. Et puis, quelqu'un qui s'occupe du département bruitage. Bon, aujourd'hui, les moyens ont vachement changé parce qu'on se rapproche de moyens proches du cinéma, c'est-à-dire que va y avoir on a la possibilité d'enregistrer des vrais musiciens, d'enregistrer des vrais bruitages, comme on le fait au cinéma, c'est-à-dire le bruit d'orgue. Moi, j'ai un copain qui s'amusait sur un après-midi à enregistrer des bruits d'orgue pour la série Endless Legends. Mais avant, il fallait trouver une technique, notamment avec des bruits blancs pour faire, voilà, pour essayer de faire des choses comme ça, ou alors carrément ne pas mettre de son et mettre une intention visuelle par rapport à ça. Après, par rapport à la dynamique des bruitages, c'est vrai, comme tu le soulignes, un Street Fighter 2, il suffit de, même la série Street Fighter en général, mais je pense surtout aux deux, il suffit de lancer la musique de Ryu pour que les gens s'amusent à crier des Hadoken, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie, c'est un peu comme un film de Chuck Norris ou, ou un Predator ou avec Schwarzy, c'est-à-dire qu'on va lancer la musique et puis il va y avoir la réplique qui tue derrière. Là, la réplique qui tue, c'est le Shoryuken, c'est le bruit de laser, c'est le saut de Mario, etc. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a pas mal de musiciens qui reprennent des musiques sur YouTube ou autre, qui reprennent des classiques, des titres musicaux des jeux vidéo, et qui s'amusent à faire avec leur instrument carrément les bruitages avec. Mario, c'est le parfait exemple pour ça, quoi. J'ai deux questions et en fait je pense qu'elles sont liées. Je me demandais si justement ces bruitages ou ces voix, ces cris, on les adaptait pas parfois à la musique. Je vais prendre l'exemple que j'ai en tête. Je crois que c'était sur Watch Dogs où en fait on a remarqué par rapport à quand il a été montré la première fois et le jeu final, où on a remarqué sur le jeu final que le personnage principal avait la voix plus grave que le premier extrait qui a été montré au public. Je me demandais si c'était pas justement pour coller à la musique. Et ce qui m'amène en fait à comment on accorde cette musique diégétique et extra diégétique, c'est-à-dire cette musique qui est dans l'univers narratif et la musique qui est en dehors, mais qui est entre le joueur, la joueuse et le monde du jeu. Alors là, je vais être honnête, j'ai pas tout compris la question. Elle est un peu compliquée. Pour faire simple, c'est la question que je me demande, et ça, c'est peut-être une question qui n'amène pas forcément de réponse. C'est comment justement on fait en sorte que ça colle, que ça marche, quoi. Comment on fait que le Shoryuken il sonne vachement bien au bon moment sur la musique, parce que des fois, on se dit c'est pas possible, ça a été prévu pour que à tel temps ça passe. Alors, souvent, tout part de l'image. En tout cas, pour la musique, la plupart des compositeurs, compositrices, m'ont bien évoqué qu'ils partaient de l'image. Sont donc soit des illustrations, souvent du caractère design, ou alors des décors, des animations qui sont déjà faites. À partir de ça, va y avoir plusieurs types d'instincts. C'est de se dire, OK, je vois à peu près le personnage. Dans le cas de Ryu, on voit tout de suite que le caractère à côté de Blanca, on va pouvoir dessiner un petit peu le personnage. Après, du côté technique, c'est un peu comme faire du comédien de doublage en studio, c'est-à-dire qu'on fait des essais. Est-ce que je dois le faire plus lent, plus long, plus aigu, mettre un peu plus de saturation dans la voix comme le ferait un rocker, le faire plus fort, moins fort? Puis après, les gens choisissent. En fait, le but, c'est de pouvoir proposer un catalogue, comme ça, entre du « show you can, show you can », etc., pour que la personne puisse choisir. C'est très rare que la personne se dise « ok, la première, c'est la bonne ». Dans le jeu vidéo, j'ai rarement vu ça. Parce que voilà, il s'agit vraiment de la musique de commande. Après, comme tu le soulignes, il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle des versions bêta, des versions test, et puis après se dire attendez, bah là le personnage il a la voix trop aiguë, là il a la voix trop grave, là justement ça colle pas tout à fait avec ce qu'on voudrait de la psychologie du personnage, etc. Et ça, c'est vrai que même dans des jeux rétro, on le sent ce truc là mais comme la façon de sauter du personnage, est-ce qu'on l'a fait un peu plus longue, est-ce qu'on l'a fait est-ce qu'on a envie que le personnage glisse un petit peu après sa course, tout ça c'est voilà, c'est des choses qui sont essayées. Sinon on est dans le cadre du jeu vite fait et souvent mal fait, quoi. Mais là-dessus, je pense que c'est un petit peu ouais, comme un peintre ou un musicien, hein, c'est vraiment faire ce travail d'orfèvrerie et de se dire bah voilà, c'est maintenant cette voix là il faut vraiment que ça puisse coller. Moi je suis toujours étonné de voir que certains bruitages marchent alors qu'ils sont voilà complètement farfelus, complètement tordus. Voilà, exemple type du bruitage de Star Wars. Est-ce qu'il y a du bruit dans l'espace? Moi, je peux pas y répondre à cette question-là, mais voilà, sur les lois de la physique, apparemment, ça marche pas. Et puis, quand même, il y a certains bruitages qui sont vraiment typiques à Star Wars, que je trouve vraiment bien trouvé. Et l'exemple encore, pour sortir un peu du jeu vidéo, l'exemple du personnage de Chewbacca dans Star Wars, le fait d'avoir pris des sons de baleine d'une manière brute, pour coller à un espèce de nounours de 2m30 avec un gros gun arbalète, moi je trouve ça génial. C'est tout l'enjeu de trouver le bon truc qui peut marcher tout en prenant des risques. À ce sujet, on va se permettre de faire une recommandation de podcast, mais sur Arte Radio, il y a une très jolie série sur le son et les bruitages au cinéma en 5 numéros que je ne saurais trop vous recommander. Je vais revenir à ce que tu disais un peu plus tôt, la musique, tu l'as signalé à plusieurs reprises, la musique de jeu, c'est un travail de commande, c'est un monde de contraintes. On a déjà expliqué en début de podcast que la musique 8-bit, elle émanait elle-même d'un certain nombre de contraintes. La technologie évoluant, les contraintes ont bougé. À quel point aujourd'hui il y en a encore, et surtout vers où ça peut aller? Moi, je me pose des questions, notamment, j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de recherches en termes de sons spatialisés, par exemple. Oui. Là, ça a vraiment évolué. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il s'agit aussi de l'univers de l'industrie. Hein, ça répond quand même à des choses extrêmement, extrêmement folles au niveau des deadlines, au niveau des sous à mettre dedans. Au niveau de la concurrence aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un jeu qui sort de chez Nintendo ou autre, même des productions comme Amplitude, sortent un truc, déchirent tout, demandent un peu aux concurrents d'en face de pouvoir faire mieux, parce qu'on est toujours dans ce côté concurrentiel. Et puis aussi, est-ce que le développeur ou le constructeur de consoles, voire de dématérialisées aujourd'hui, fait des partenariats avec des entreprises de son? Ça a été le cas, par exemple, entre Nintendo et Sony pour la Super Nintendo. Donc, par rapport à tout ça, aujourd'hui, comme le disent pas mal de compositeurs, tout est faisable, en fait. Tout est faisable. Le seul truc qui pose encore problème, mais là on répond encore une fois au problème industriel, c'est ce qu'on appelle des jeux de masse, c'est-à-dire pourquoi on retrouve un peu les mêmes clichés de gros orchestres, le fameux trio cordes, percussions, cuivre qu'on retrouve dans beaucoup de hits avec Hans Zimmer pour des blockbusters. Donc c'est aujourd'hui. Finalement, on peut tenter vachement de choses. Et par rapport à la spatialisation, la profondeur du son, etc., voilà, il y a tout plein de choses qui sont faisables si on s'en donne les moyens et si on en a les compétences. Et puis aussi, le truc tout con, c'est qu'il faut que ça accompagne aussi la direction du jeu pour que ça puisse aussi aiguiller le joueur. Parce que sinon, ça peut être des idées, soit qui restent dans le domaine de l'expérimental. On a expérimenté un jeu, on a fait une expérience de quelque chose, soit bah, y a pas mal de bonnes intentions qui sont un peu... on ne sait pas trop où ça va, quoi. Tu parlais d'avoir les moyens, d'avoir les compétences. Ça se trouve aussi... Enfin, il y a des choses qui émergent aussi du côté du musicien, parce que même si c'est un travail de commande, il y a quand même des noms de compositeurs de musique de jeux vidéo qui émergent, des personnes qu'on reconnaît. Je pense par exemple à un Austin Wintory à qui on doit des musiques de jeux comme Journey ou The Banner Saga qui j'imagine ont un rapport de travail un peu différent qui va pas juste sur de la simple commande, parce que en soi leurs œuvres elles existent quasiment en tant que telles et elles font partie intégrante du message porté par les jeux. Vraiment. Alors là, tu parles au niveau de du fait qu'on puisse écouter sa musique en dehors du jeu. C'est ça. Oui, c'est ça. En gros, une musique qui a de la portée. Enfin, moi, je pense par exemple à la musique de Journey, qui est assez impressionnante. Et là, j'imagine qu'on n'est pas juste dans un simple travail de commande avec un studio de développement qui fait bosser le créateur comme un exécutant, parce que en soi, il apporte quelque chose artistiquement de fort, qui porte sa propre patte à lui en tant que compositeur. Oui, bah alors ça c'est... alors je vais prendre un autre exemple, alors pas celui du compositeur de Journey, mais un compositeur français qui s'appelle Christophe Héral, qui a fait Rayman Origins, pas mal d'autres jeux. Il a fait il avait un projet aussi avec la version américaine de Tintin, L'Or Noir. C'est un mec assez intéressant qui a une technique d'artisan et qui va jouer en tant que compositeur aussi sur la direction audio, voire au niveau des billes sur la direction du jeu. Donc ce qui peut être intéressant aussi, c'est la place qu'a le compositeur au sein de l'équipe. Donc c'est pas juste du CV, c'est de faire confiance aussi au talent, comment la personne, selon ce qu'elle va apporter au niveau de la musique, les bruitages, les ambiances, etc., des choses assez fortes qui peuvent bousculer le jeu. On pense aussi à la série des Final Fantasy. Je crois au moins pour les, je veux pas dire de conneries, je crois pour les 13 premiers ou les 9 premiers, Nobuo Uematsu a fait vraiment un travail qui permet aujourd'hui la reconnaissance aussi de cette série-là, quoi, les Final Fantasy, qui étaient à la base. En tout cas pour le premier épisode, la dernière tentative de Square avant de mettre la clé sous la porte, quoi. Donc finalement, participer à un projet comme ça qui émane et qui sort du lot, c'est clair que ça peut jouer vraiment au succès du compositeur. Mais ça, pour moi, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire est-ce que le compositeur participe au succès du jeu, ou est-ce que le succès du jeu fait connaître le compositeur ou la compositrice, quoi. Donc, parce qu'il y a des musiques, c'est vrai que les gens sont peut-être moins marqués par certaines musiques de Call of Duty ou certaines musiques, je sais pas, c'est vrai que Minecraft, je sais pas s'il y a des, je me rappelle plus s'il y a des thèmes musicaux, mais vu le succès du jeu, j'imagine quand même que est-ce qu'on parle de la direction audio, est-ce qu'on parle de du talent de compositeur ou de la compositrice? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il est clair que un jeu qui va avoir du succès, où on va mettre aussi en avant en marketing et en artistique sa bande son, bah ça va aussi faire fleurir la personne qui est derrière, je pense. Effectivement, je te rejoins. Un jeu, une série que j'aime beaucoup, qui sont les deux Hotline Miami, qui a révélé, je pense, un certain nombre d'artistes autant dans la musique que dans l'illustration ou le game design. Hein, parce que, par exemple, je pense à El Huervo, qui donc signait une partie de la BO du 1 et du 2. C'est aussi illustré après dans le game design avec un jeu qui s'appelle S-Break, je crois, et dans l'illustration, parce qu'il fait des, il peint. Il a fait les illustrations, les artworks de Hotline Miami. Mais je pense à un cas assez intéressant qui est le cas de Disaster Piece. Disaster Piece est donc le compositeur de la bande son de Fez. Il a fait aussi Hyper Light Drifter et il a aussi participé à un jeu qui s'appelle Mini Metro, qui est assez intéressant, un jeu mobile et PC, il me semble. Où le but est de construire une ligne de métro. On doit relier des points comme ça dans un certain ordre. Les wagons forment un rythme, les couleurs, les lignes apporte des certaines notes. Là, on voit que la musique est extrêmement imbriquée dans le gameplay. Ce qui m'amène à la question, si demain je veux devenir musicien de jeux vidéo, est-ce que je dois apprendre à coder ? Oui, alors là, c'est obligatoire. Obligatoire. Ou alors, il faut faire un travail en binôme, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui compose les notes et l'autre qui les encode. Mais aujourd'hui, clairement, le salariat de compositeurs de jeux vidéo, ils sont en France, ils sont moins de 10 à en vivre. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose, des choses assez particulières au niveau de, au niveau du statut. Au niveau du statut, qu'est-ce qu'un compositeur ? Qu'est-ce qu'un compositeur à l'image ? Et puis dans un média qui répond à un système américain. Je pense par exemple au problème de la SACEM. Donc là, on est sur du droit d'auteur. Les Français ont pas mal de droits d'auteur, en sachant que le jeu vidéo, pour la plupart du temps, c'est du droit américain, donc ça, c'est du droit qui va à la production. À part si ça, c'est peut-être en train de changer. Hein, les auditeurs m'excuseront si je me trompe, mais en tout cas, ça a été longtemps le problème des compositeurs en France, notamment voilà avec des copains qui bossent à Ubisoft ou autre. C'est des choses qui sont toujours un petit peu problématiques. Après, être compositeur pour le jeu, forcément, c'est aussi passer du temps au niveau programmation. Là, je refais un petit tour au niveau des années 80-90. Je pense à des compositeurs comme Tim Follin, qui ont fait pas mal de jeux Commodore, Spectrum, Nintendo, qui ont finalement pas mal bousculé les codes, comme d'autres anglais, au niveau du son chiptune, des arpégiateurs, des choses comme ça, mais tout simplement aussi parce que ces compositeurs-là, ils étaient très très forts en éclectisme, c'est-à-dire de pouvoir jouer avec différents styles musicaux, en invention, le fait d'être assez créatif, faire pas mal appel à des référents assez culottés, que ça soit des trucs un peu jazzy, rock progressif, électro, mettre ça dans un checker et tout mélanger, et puis aussi coder, c'est-à-dire pouvoir encoder, pouvoir mettre du programme informatique pour que ça puisse ressembler à de la musique. Je vous donne un exemple tout con. Il y a peut-être plus de 10 ans, on m'a appelé pour faire une musique sur Game Boy Advance. Donc le but, c'était de faire de la musique sur ce qu'on appelle du tracker. Et pour un musicien, c'est hyper froid d'approche. C'est-à-dire que déjà, la musique avance d'une manière verticale. Et donc, il faut remplir du blanc, des petites grilles, avec des chiffres et des lettres. Donc, on a l'impression de jouer à toucher coulé. Et c'est hyper acide. Au bout d'une semaine, j'ai failli appeler les gars en leur disant, écoutez, j'abandonne parce que là, je vois en plus, ça groove pas, c'est pas les sons que je veux, etc. En plus, j'avais des contraintes, il fallait que ça soit en mono, que ça puisse répondre à du 8 bits téléphonique, c'est-à-dire que ça, la qualité de son, ça allait sortir sur un pauvre tout petit trou avec une qualité d'ancien téléphone portable. Donc, pour les bruitages, je pouvais soit enregistrer des sons, mais qui ressemblaient pas du tout à ce que j'avais enregistré en studio. Donc, tout ça, c'est tout plein de contraintes. En plus de cela, c'est des contraintes de temps. C'est-à-dire que un compositeur, s'il a envie de mettre un an, s'il n'est pas sur un gros label avec un tourneur, etc., s'il a envie de mettre 4 ans pour faire sa symphonie, il l'a fait. Là, une BO de jeu, c'est bon, coco, dans 6 mois ou dans 1 an, le truc, il sort, quoi. Donc, vous n'imaginez pas la pression que c'est. Je prends un exemple tout con avec Street Fighter 2. Yoko Shimomura, la compositrice de Street Fighter 2, elle a un angle comme ça autour du personnage de Blanca, et on lui faisait bien comprendre chez Capcom que, malgré son talent, si elle se grouillait pas un petit peu, on allait appeler quelqu'un d'autre, quoi. Et là, c'est la manière polie japonaise de dire les choses, hein. Vous voyez? Donc, le compositeur, finalement, à l'image, c'est un métier très, très, très courageux, je trouve. Je vais rester sur ce qu'évoquait, son évoquait un tout petit peu au début, c'est-à-dire le glissement depuis la musique vers le gameplay. Cette fois-ci, en étant sur une, pour reprendre un mot d'Adrien tout à l'heure, sur une considération de diégèse, à savoir quand la musique devient un élément du jeu. Je pense à des jeux où on fait de la musique, des jeux où la musique fait partie de ce qu'on raconte. Alors, on va faire une petite incise sur les jeux musicaux. Je vais donner mon impression, tu me diras ce que tu en penses. J'ai l'impression que les jeux musicaux tels que moi je les ai observés pour l'instant, c'est avant tout soit des jeux de mémoire, soit des jeux de rythme, mais en tout cas le fait qu'on fasse de la musique dedans, j'ai l'impression que la plupart du temps c'est presque une excuse quoi. Bah pour moi il y a plusieurs choses au niveau de la musique au centre du jeu vidéo. C'est soit, comme tu l'expliques, le jeu musical, donc fait de rythme, genre Beatmania, Guitar Hero, ou des copains là aussi qui ont sorti Double Kick Heroes. Soit, la musique, elle peut être aussi comme un élément de game design. Je pense à des jeux qui sont pas spécialement musicaux, hein, type Flashback, ou des choses comme Monkey Island avec le système de iMuse. Donc il y a les premiers systèmes de musique adaptative. Mais ça peut être aussi un élément marketing, comme je le soulevais tout à l'heure, compétitivité, c'est-à-dire telle borne d'arcade a fait ça, on va faire mieux avec un meilleur système de son. Eux, ils ont fait une ce RPG a fait une musique avec un peu orchestrale mais avec des synthés, bah nous on va sortir un vrai orchestre. Vous voyez, tout ça c'est pas que des éléments esthétiques, hein, c'est aussi des éléments marketing. Et puis il peut y avoir aussi, contrairement à ce que tu dis, des jeux sur un univers musical. Je pense à des jeux comme Michael Jackson, Aerosmith, Wu-Tang Clan ou Iron Maiden. Il y a pas mal de choses où là on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on va explorer l'univers musical du jeu. Mais c'est clair qu'on va, même s'il va y avoir des clins d'œil, etc., on va prendre des systèmes déjà connus, genre système d'action, système de shooter, système de baston, etc. Mais en tout cas, de faire un jeu hyper créatif avec des éléments musicaux, ça existe, mais bon, tout ça est encore à créer. Je pense au jeu Raze, je ne sais pas si ça vous parle. Ce jeu qui, c'est une espèce de shoot them up où on voit la personne un petit peu de dos en train de planer et la musique se construit au fur et à mesure de la difficulté du décor. Donc voilà, il y a quand même des choses comme ça qui existent. Mais c'est vrai que moi, j'oublie pas que le jeu vidéo, c'est voilà, aujourd'hui, il y a énormément de choses. Mais tout comme dans le cinéma ou dans la musique ou dans d'autres arts, hein, c'est toujours les plus gros blockbusters qui sortent et qui matraquent, et quitte à cacher plein de petites pépites qu'il faut aller découvrir. Je pense notamment aux jeux rétro où il faut, grâce à des émulateurs, on peut avoir le choix, mais c'était pas le cas il y a 30 ans où si le marchand avait pas tout plein de jeux, ou si votre porte-monnaie le permettait pas, ben on se contentait des jeux qu'on avait, quoi. Donc des fois avec des choses superbes, des fois avec des gros nanars. Ça veut dire qu'il y a Guitar Hero certes, mais il pourrait, ça se trouve, il existe un Glenn Gould Simulator aussi, quoi. Ouais, je pense. Ouais, il y a tout plein de choses, à mon avis, qui sont sous le tapis, qu'on n'a pas encore découvertes, quoi. Après, c'est vrai que quand tu parles d'excuses, bah, je te trouve dur et pas dur, parce que moi, comme je le rappelle, on appelle ça du jeu vidéo, et c'est vrai que souvent j'entends le discours un petit peu institutionnalisé, c'est vrai que c'est le parent pauvre de jeu vidéo, la musique est le parent pauvre, oui, d'accord. Après, il y a des expériences extrêmement qui peuvent être extrêmement brutales, c'est quand la musique est pas prise en compte. Je pense à des gens qui coupent le son pour jouer. Tout simplement, c'est-à-dire que là, même un journée où des choses comme Braid ou des choses où les gens se sont vraiment cassés la tête à nous produire des belles OST, bah, la fin de l'histoire, c'est-à-dire que la personne décide, grâce à cette télécommande ou son bouton clic, de couper le son. Ouais, effectivement, ça me paraît effectivement assez osé quand même comme démarche, mais pourquoi pas. Pour le coup, je vais te reprendre sur la notion de jeu vidéo, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais bon, après, tu vas me dire je pinaille. mais ça pose une question sur la musique, vous allez voir. C'est que moi, j'ai tendance à dire jeu numérique, parce que jeu électronique, on a parfois, alors dans certains jeux vidéo, des parties à l'aveugle ou parce qu'il fait sombre, etc. Voire même carrément, on a des jeux qui sont purement sonores. Je pense à, il y a eu quelques années, Papa Sengré, avec, il y en a eu deux, je crois, peut-être trois, je sais plus. Il y en a eu deux, il y a eu The Nightjar et puis depuis il y a eu Blind Legend aussi. J'allais citer donc Blind Legend où on joue un chevalier ou une chevalière aveugle de mémoire. Et là justement le son a toute sa place et je me dis que par exemple tout à l'heure j'ai cité Mini Metro, ce serait génial une version tactile avec des reliefs où on peut sentir les différentes formes qu'on a reliées. Voilà, bref, là je m'égare mais c'est pour ça que je voulais en tout cas insérer peut-être cette notion-là qui peut-être change les choses pour toi, je ne sais pas. Ah bah ouais, tout à fait. Moi, ce que tu indiques là, justement, c'est des choses qui sont pas évidentes parce que alors forcément moi mon angle, et là je m'excuse auprès des auditeurs par avance de Ludologie parce que c'est vrai que mon angle est pas mal basé sur des jeux datés même s'ils sont loin d'être ringards, mais aussi sur l'angle du son et de la musique et de l'esthétique au-delà même de la technique, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la poésie musicale, qu'est-ce que ça raconte, comment ça m'embarque. Mais c'est vrai que pour avoir interroger pas mal de personnes et aussi des gens qui pratiquent le jeu vidéo, et justement l'angle de la musique, j'étais parfois étonné de, mais c'est le jeu, hein, que des personnes arrêtent tout de suite le discours en disant non, mais moi la musique de jeu vidéo, ça, je n'aime pas ça, ou bah, moi ça m'agace donc je coupe le son, ou alors je fais autre chose à la fois. Donc il y a pas mal de choses comme ça où l'expérience sonore peut se retrouver coupée. Je pense aussi à certaines salles d'arcade où si le son n'est pas à burn, ça se fait couvrir par énormément de bruit. Après, c'est vrai que ta notion de jeu numérique, je la trouve assez intéressante. Après, bon, est-ce que tous ces termes-là vont changer, vont se bousculer au fur et à mesure du temps? C'est vrai que le principe de se servir même de l'électronique ou en tout cas de choses qui sont programmées informatiquement pour avoir une expérience de jeu. Oui, je pense que que ça soit vidéo, son, tactile, etc., ou peut-être olfactif, il va y avoir tout plein de choses qui vont être mises en place. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est au bout de, je sais pas, par exemple, 50 jeux, une centaine de jeux, qu'est-ce qui transpire un petit peu de tout cela? Et c'est ce qui n'est pas évident, c'est là où on rentre des stéréotypes, des clichés, des récurrences, et de se dire que tiens, le personnage avec l'épée qui va avoir son petit orchestre symphonique derrière, c'est vu et revu, mais comme on me l'a souvent dit, oui, mais c'est ce qui marche. Un FPS avec une armée au cul, c'est bien de mettre une musique aussi martiale. C'est tout plein de petites choses comme ça où va y avoir des paris, et je pense qu'il y a toujours eu ces petits paris pour audacieux pour pouvoir faire changer les choses. Mais c'est l'histoire de la vie, hein, c'est comment on fait des petites choses, l'éloge du petit, afin de faire bousculer les choses et faire avancer le schmilblick. Donc ta notion de quand tu parles de jeu numérique, moi je suis d'accord, hein, mais par contre c'est comment on va se mettre tous d'accord là-dessus. À force de parler de musique et de jeu, ça me donne quand même depuis un petit moment envie de faire un petit pas de côté sémantique, on dit jouer de la musique. Qu'est-ce que tu y mets, toi? Qu'est-ce que tu mets de parallèle à ces deux pratiques, la pratique ludique et la pratique musicale? Parce que dans les deux cas, on dit jouer. C'est vrai qu'on dit jeu. Alors, c'est marrant parce que là, c'est tout dépend aussi de le caractère de la personne et puis la culture et puis le temps. Faut savoir par exemple que la musique, c'est, je veux pas dire de conneries, c'était pas l'un des quadriums au Moyen Âge. C'est-à-dire que C'était une des sciences, une des quatre sciences avec l'arithmétique, la géométrie. L'une des quatre composantes, c'était la musique. Donc, considérée comme une science. Donc, et c'est vrai que la musique, certaines musiques du Moyen-Âge, en réponse, il y a des codes extrêmement mathématiques, etc. Ce qui est toujours le cas. On est toujours entre ce côté art libre, art brut, instinctif, et puis aussi répondre à des codes qui peuvent jouer sur des règles mathématiques ou extrêmement rigoureuses. Mais c'est vrai que le côté de jeu, il y a des gens qui vont parler de travail, il y a des gens qui vont parler de pratique musicale, il y a des gens qui vont se dire que pour eux la musique c'est comme une seconde religion, d'autres qui vont dire que c'est un défouloir, d'autres que c'est un manifeste. Là, c'est moi, je préfère pas mettre trop de mots là-dessus parce que c'est souvent ça, c'est un problème franco-français. Les mots nous piègent. Effectivement, je me demande si c'était pas comment dire le disciple de Freud qui était français, c'était Lacan. Voilà, Monsieur Lacan, qui disait qu'effectivement les mots sont des pièges sur le sens. Ce qui m'amène, en fait, moi, ma théorie par rapport à ça, à cette question de jouer de la musique, jouer un jeu, jouer une pièce de théâtre, c'est que ce sont des espaces de liberté contraintes. Et ce qui m'amène à une question que tu as travaillée, il me semble, c'est du coup, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en musique de jeux vidéo ? Ah oui, je vois bien ce qu'il faut pas faire en musique de jeux vidéo. Bon, c'est marrant, c'est souvent les émissions où je me fais allumer, mais tant mieux, parce que c'est les émissions qui bousculent et voilà. Et puis il y a des fois où j'ai tort, et tant mieux, parce que c'est aussi ça qui permet un peu égoïstement de me faire avancer. Ce qu'il faut pas faire en jeux vidéo, il y a tout plein de trucs. Moi, il y a des choses où je suis pas d'accord et qui fonctionnent très bien. Hein. Moi, je pense que c'est quand même prendre du temps à pouvoir communiquer avec l'équipe. Qu'est-ce que veulent les gens ? Parce qu'il y a des projets formidables qui se retrouvent à la poubelle aussi à cause de ça. C'est de pouvoir quand même mettre des outils à disposition. Parce que finalement, je vais être un peu taquin, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la musique de jeux vidéo ? C'est comme, je préfère plutôt essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire absolument. Parce que qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Tout dépend si c'est des erreurs que tout le monde trouve techniques ou alors des erreurs esthétiques. Il y a des gens, ça se trouve là tous les trois, on va pas du tout être d'accord sur notre top 10 musique de jeux vidéo. Et puis tant mieux. Donc, moi, je préfère plutôt voir l'angle. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la musique de jeux vidéo absolument, quoi, pour éviter les bévues. C'est-à-dire, premièrement, pouvoir discuter du projet avec l'équipe des développeurs, savoir si vous êtes bien en accord, parce que sinon, ça revient à travailler pour rien. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des... Alors, pas dans la musique de jeux vidéo, mais travailler dans la pop ou le hip-hop, où on n'était pas d'accord sur le projet. Donc, finalement, le projet s'est pas fait. C'est de pouvoir connaître tout le support technique, c'est-à-dire est-ce que je maîtrise les outils sur lesquels ça va tomber, c'est-à-dire faire de la musique sur Game Boy avec des trackers et faire de la musique adaptative sur Wave avec des orchestres interactifs, c'est pas du tout la même chose. C'est pouvoir aussi voir quel est le budget va être mis dedans. Est-ce que c'est un jeu où va y avoir 4000 euros de budget, 40000 euros de budget, zéro de budget. Donc tout ça, ça va jouer énormément aussi hein, sur le reste. Et puis de savoir si mes compétences techniques et artistiques peuvent correspondre à ce qui est attendu. C'est pour ça que je reviens encore une fois à la musique de commande. Après, ce qu'il faut pas faire dans la musique de jeu. Moi, je suis pas le bon exemple pour ça parce que je pratique de la musique qui bouscule pas mal les codes et j'ai plutôt une oreille qui va aimer être surprise, quitte à ce que ça soit un peu faux, un peu dissonant, un peu bousculant. Mais par exemple, je vous donne un exemple tout con. Les premiers jeux de la société Treasure Soft, donc sortis de Konami, des personnes qui ont fait Gunstar Heroes, Ikaruga, Mischief Maker, ou Sin and Punishment, ils ont fait pas mal de jeux Mega Drive que je trouve très bousculants. Il y a plein de personnes qui pourraient dire « ça ne se fait pas », et moi, je trouve ça génial qu'ils l'aient fait. D'accord, donc si on retient bien, la seule chose à ne pas faire dans la musique de jeux vidéo, c'est de couper le son quand on joue. Bordel. quand même, il y a des gens qui ont travaillé. Après, vous faites ce que vous voulez en vrai. Mais voilà. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro de Ludologie. Merci Yacine d'avoir été avec nous. Alors, je vais pas tout de suite couper. J'ai encore une question à te poser. Comme à chaque numéro, on a toujours la même question pour finir parce qu'on manque d'imagination et puis qu'on aime ça en fait, comparer les points de vue et les vécus de nos différents invités. Surtout, ça c'était la réponse, c'était la bonne réponse. Mais en tout cas, déjà, merci Yacine Synapsas donc d'avoir répondu à toutes ces questions sur la musique. C'est un sujet vaste. On va probablement être amené à en reparler à un moment ou un autre dans l'Ludologie. Mais bon, ça commence déjà à défricher un peu. Si ça vous a un peu défriché les neurones, en tout cas, moi, ça ne m'aura pas fait de mal. Donc, ce sera toujours une heure de pas perdu. Yacine, on a une dernière question à te poser. C'est quoi, toi, ton plus vieux souvenir de jeu ? Vous êtes malade de me poser cette question-là. Vous êtes vraiment malade. Je vais vous vendre du rêve, hein. Je vais vous vendre du rêve. Attention. Alors attendez. Ouais, parce que en fait le problème, c'est que quand je vais vous raconter cette histoire-là, c'est soit je vais passer pour le mythomane de Ludologie, soit vous allez dire mais c'est pas possible quoi. Vas-y, teste. En gros, ça s'est fait avec Golden Axe dans une boîte de nuit avec le mec de début de soirée. Ok, c'est-à-dire. Alors, j'ai pas compris. Rien que la phrase déjà en par ailleurs. Golden Axe, donc jeu d'arcade, fin 80, qui ressemble un peu à Conan le Barbare. Et j'étais tout gamin et j'ai joué ça dans une boîte de nuit avec un des chanteurs de début de soirée. Début de soirée, c'était un truc, désolé pour eux, hein, mais un peu ringard, un tube de l'été qui faisait Nuit de Folie. Je sais pas du tout si ça vous parle. Ah oui, c'est le nom du groupe, d'accord. Oui, parce que nous, on pensait que c'était un mec voilà, qui était frais, dispo, en début de soirée, quoi. Exactement. Mais c'était l'esprit. C'est pour ça que je l'ai annoncé comme ça. Bon, en gros, je m'explique. Ma mère était prof de danse. Arrivée sur notre petite ville d'Angoulême, il y avait une boîte de nuit nommée l'Excalibur. Et elle y donnait, avec mon frère aîné de 8 ans, 8 ans de plus, un gala de fin d'année. Donc, bon, moi étant tout gamin, j'étais pas à l'abandon. Il y avait l'abandon, il y avait ma famille, mais il y avait aussi un monsieur que j'avais pris en sympathie avec un costard fluo et une coupe en brosse. Donc c'était un peu le look hyper hipster de l'époque. Et moi, au début, vu qu'il était grand costaud, je le prenais pour un videur. Mais ça a été le mec mettait des pièces, voilà, et puis on s'est fait des parties de Golden Axe comme ça. Donc premier choc aussi esthétique. Et ce que je tenais à dire, c'est que ce qui est intéressant au-delà de mon histoire complètement con, c'est qu'il y a toujours une rencontre des premières fois avec un contexte et un dénuement de référence qui amène un peu ce que j'appellerais un frisson des premières fois. C'est-à-dire que ce que j'ai pu voir, c'est que souvent, moi, je ne suis pas du tout nostalgique, je ne suis pas du tout dans un esprit « c'était mieux avant », etc. Mais par contre, je me rends compte que pour beaucoup de joueurs et de joueuses, mais comme des gens qui sont sensibles à l'art ou à des rencontres amoureuses, il y a toujours un petit peu ce frisson des premières fois dont on va toujours se souvenir. Et voilà, le côté Golden Axe, voilà, c'est un jeu qui a des côtés pétés, il y a des jeux... Je trouve que c'est un jeu qui a pas trop vieilli par rapport à son contexte, mais voilà, il y a des défauts. Aujourd'hui, là, vous imaginez que c'est rien que de jouer à des jeux avec des personnages baraqués avec des grosses haches, ça a vachement évolué depuis 30 ans. Mais il y a un contexte, il y a un référent comme ça qui est voilà une première rencontre et qui va se dire putain, je crois que ce modèle-là de jeu numérique, d'expérience numérique, je crois que ça va me marquer pour pas mal d'années. Allez, tu m'étonnes, on n'a pas tous l'opportunité de jouer avec le mec de début de soirée. Merci encore Yacine Synapsas. Vous pouvez retrouver Yacine et ses expérimentations sonores sur le NES Blog pour musique de jeux vidéo et de synapserie ou l'inverse. Synapserie et jeux vidéo, et musique de jeux vidéo. J'étais pas loin. Merci encore. Ça a été un grand plaisir et je pense qu'on a appris plein de choses. Merci. J'espère. Ouais, bah oui, en tout cas, je te le confirme. J'espère aussi que celles et ceux qui nous ont écoutés ont pris tout autant de plaisir que nous à la faire. Et évidemment, donc, merci aux personnes qui nous soutiennent, qui nous permettent donc de réaliser ce podcast via le Tipeee. Cherchez Studio Dilettante Ludologie dans Google et Tipeee et vous allez trouver quelque chose pour nous donner 1 ou 2 euros pour ne serait-ce que nous aider à acheter du matériel, des micros ou l'hébergement. Manuel, tu veux revenir sur un dernier point ? Oui, même si vous n'avez pas d'argent pour nous soutenir, au cas où ça arrive, vous pouvez toujours, d'abord, on vous aime quand même, mais on vous aimera encore plus si vous partagez les podcasts que vous avez aimés, parce que c'est toujours bien de les faire découvrir. Et puis si vous nous aidez à obtenir un référencement satisfaisant sur iTunes, on en est loin. Et pour ça, il faut nous mettre plein d'étoiles et nous dire à quel point on fait des choses qui vous plaisent, si c'est le cas et si vous avez l'occasion. Dans les commentaires, voilà, et puis si vous voulez, bien évidemment, rien n'est obligatoire, mais un, ça nous fera très plaisir, deux, ça nous rendra bien service. Voilà. Ben oui. Eh bien, sur ce, nous souhaitons une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, et on se retrouve dans, a priori deux semaines, hein, comme à chaque fois, traditionnellement. Je ne sais pas encore de quoi il sera question, mais en tout cas, en attendant, jouez bien, jouez plein, tant qu'on a encore le droit. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.